Bienvenue à Aucun outil requis. Je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau et au cours de l'année scolaire 2012-2013, François-Olivier Marchand et moi nous sommes partagés la co-animation de l'émission matinale Assemblage requis avec Mathieu Plante. Aucun outil requis est l'occasion pour nous de retourner en arrière afin de vous permettre d'entendre des chroniques que vous avez peut-être manquées. À chaque fois qu'on se rencontre, on choisit un sujet ou un chroniqueur qui sera en vedette pour l'heure au complet. Dans cet épisode, on se garde en vous présentant nos chroniques préférées à nous, les animateurs de l'émission. Attendez-vous à la crème de la crème, à nos moments les plus cocasses et à nos malaises les plus inconfortables en compagnie de nos fidèles chroniqueurs. Bonne émission. C'est Charles-Antoine Rioux, voici la chronique plein air. Écoutez. Oui, il se prépare à descendre la corde. Ouais. Et là, je m'en fâche, depuis je m'enlève. Salut Charles-Antoine. Comment ça va, messieurs? Quel sketch incroyable, hein? Ah, la mimique était parfaite, si vous l'aviez vu. Talent d'acteur. Ouais, c'est ça. Si seulement il y avait de l'image là-dedans. Donc, Charles-Antoine Rioux, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans ta chronique Trucs et astuces du Club plein air, UQT? Alors, aujourd'hui, on va démystifier un peu un vieux mythe qui est assez important pour les plénéristes. Aux plénéristes, hein? Débutants intermédiaires. Ah oui, pardon, c'est la première fois que j'emploie ce terme-là. C'est tellement exotique comme terme c'est exotique. Pour moi. C'est pas encore accepté par l'Office de la langue française, malheureusement, mais de plus en plus, on va employer le terme plénériste pour décrire les gens qui pratiquent des différentes activités. J'aurais pensé les plénaériens. Plénaériens. Parce que, tu sais, air, c'est aérien, d'habitude. Je suis sûr que c'était sur la liste. OK. Je suis certain. Mais à la plupart du temps, c'est plein airiste qui va sortir le plus souvent. C'est comme le air guitar, on dirait. C'est en plein ça. Ouais, des plein air guitar airistes. Plein aérien. Ouais, bon. Donc, j'ai une belle image mentale. Donc, OK, on continue. Oui, dans le fond, la chronique ce matin va porter un peu sur l'alimentation, mais surtout en situation de survie, en fait. Okay. Alors, c'est sûr que j'ai réellement fait une sur l'alimentation en général en plein air, mais ça demande souvent des graphiques et des tableaux. Je me suis dit que c'était pas très radiophonique. Compliqué comme, un peu. Exactement. Donc, on va y aller avec justement l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas manger? Démystifier certaines choses et puis donner des tips and tricks ou des trucs et astuces. Ça arrive aux gens de se retrouver en situation de survie en forêt. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Une de nos premières chroniques, ça a été justement ce qu'on appelait la règle des trois. Ouais. Là-dedans, on a appris qu'on peut vivre jusqu'à 3 semaines sans nourriture lorsqu'on se perd en forêt. Alors évidemment, le premier réflexe des gens, ça va souvent être « Ah, tu sais, je vais manger des petites baies ou des plantes que je vais trouver. » Eh bien, malheureusement, ce n'est pas un bon réflexe. Ça peut être toxique. Ils n'ont pas vu Into the Wild. Et voire même, comme on voit dans le film, le mortel. Et même au Québec, il y a quelques plantes mortelles ici. Oh. Ça, on va en parler. Il y en a deux en particulier qu'on va cibler, qui sont faciles à reconnaître. Souvent des champignons aussi. Champignons, oui. En fait, le champignon n'est pas une plante, mais c'est une autre chose qu'il faut faire attention aussi. Oui. Donc, comme on sait qu'on peut vivre à peu près jusqu'à 3 semaines en forêt sans nourriture, évidemment, il y a des pertes d'énergie, eh bien, si vous n'êtes pas sûr, abstenez-vous. Il vaut mieux attendre 3 semaines en espérant se faire sauver rendu au bout que de s'essayer rendu à 2 jours parce qu'on a vraiment faim et puis de tomber sur de mauvaises choses. Ouais. Donc, tu as parlé, Mathieu, des champignons. Mm-hmm. Eh bien, champignons, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont comestibles, voire même excellents à manger au Québec, mais il faut savoir les reconnaître. Parce qu'il y en a aussi qui sont mortels. Je pense d'ailleurs qu'on appelle la manite vireuse, aussi connue sous le nom de l'ange de la mort. Un très, très beau champignon de blanc. Fin, celle-là, super ouais. Beau. Et encore là, ben, je pense que je vais pas à expliquer plus ce qui arrive si on le consomme. Ouais. Mais est-ce qu'il ressemble à un champignon comestible ou est-ce qu'il est vraiment caractéristique que c'est sûr que tu manges pas ça? Pour quelqu'un qui va s'y reconnaître, qui s'y connaît un peu, il est très facile à reconnaître. Okay. C'est de la famille des amanites, donc il va avoir sous la forme d'un champignon de Paris un peu, le chapeau et le pied. Puis sous le chapeau, il va avoir un petit voile, un petit anneau qui tient là. Il est tout blanc. Donc, comme je vous dis, pour certains mycologues amateurs, il est facile à reconnaître. Mais surtout avec les champignons, parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres effets, qui peuvent laisser des séquelles aussi. Ouais. Donc, des bonnes séquelles pour certains. Bonnes pour certains, mauvaises pour d'autres. D'accord. Puis justement, si on ne veut pas tomber sur les mauvaises, il faut savoir se connaître un petit peu. Ouais. Donc, champignons, on essaie d'éviter. Puis en plus, il y a un seul champignon, ou bref, il n'y a pas beaucoup de champignons qu'on peut manger crus non plus. Donc, le passant, il faut les faire cuire. Okay. Et si on n'a pas accès à un feu, ça devient encore problématique. Alors, ensuite, il y a aussi... C'est sûr que la meilleure option serait de réussir à vous chasser ou vous trapper un petit animal, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est pas aussi facile que le laisse croire les films, malheureusement. La fameuse course du lapin. Moi, je me verrais pas... Tu sais, vraiment, avec le truc vraiment high-tech, là, avec un filet, puis quand le petit lapin, il... Non, ça a l'air tellement simple dans Bugs Bunny. Oui, c'est ça. Exactement. Vous avez Wile E. Coyote, elle a l'air à faire tellement ça bien pour le Roadrunner, là, malgré le fait qu'il se fait avoir à chaque fois. Ben, c'est pas si simple que ça. Puis il y a plus de moyens que nous autres. C'est Acme. Acme. Ils ont beaucoup de budget. Alors, même la petite boîte avec la corne puis le bâton, avec l'appât en dessous, mais basic. Où est-ce que vous trouvez l'appât? C'est l'appât de nourriture, d'un. L'appât de nourriture. L'appât. Et de deux, ben juste attendre que l'écureuil passe pour tirer sa boîte puis de tirer assez vite pour que la boîte tombe assez vite pour pas qu'il sauve, ça, c'est du sport. Donc, du timing. Du timing. L'animal, autant le poisson que l'animal terrestre peut être une bonne option si vous avez ce qu'il faut et si vous y connaissez, mais vous allez perdre beaucoup plus d'énergie à essayer d'en trouver que ce que vous allez avoir en mangeant. Donc, on a parlé des plantes. Malheureusement, il y a beaucoup de plantes qui sont pas nécessairement... Enfin, il y en a beaucoup qui sont comestibles, encore une fois, faut savoir un petit peu. C'est sûr que si vous tombez sur une table de framboise, c'est assez facile à reconnaître une framboise, donc ça peut vous sauver. Pareil pour un bleuet. En bleuet encore là, mais il y a beaucoup de plantes qui ressemblent, par exemple, au bleuet ou d'autres plantes, ou juste des fruits en général qu'on trouve dans la forêt qui ont l'air assez attrayants, qui sont pas nécessairement mortels, mais quand même assez toxiques. On parle de purgatifs, donc... Vous pouvez avoir vomissements, etc., diarrhée, puis d'autres symptômes vraiment, vraiment pas agréables. Encore une fois, pour les plantes, on essaie de s'abstenir. Certaines personnes vont dire qu'on peut manger des feuilles ou de la verdure. C'est vrai qu'il y a certaines verdures qui sont comestibles, mais encore une fois, il y a certaines plantes qui, juste les feuilles, peuvent être toxiques aussi. Celle à laquelle il faut faire attention, par contre, il y en a deux qui sont assez faciles à reconnaître. La première, c'est la ciguë. On connaît un peu, pour ceux qui ont lu un peu l'histoire de Socrate, c'est ce que Socrate a bu pour lors de son exécution quand durant son procès. Okay. Bref, c'est une des plantes mortelles qu'on a au Québec qui ressemble à s'y méprendre à une carotte sauvage. La fleur est presque pareille. C'est une racine. Elle est presque pareille aussi. Il y a juste quelques petites particularités au niveau de la plante qu'il faut savoir. Encore une fois, il faut se connaître. Donc, souvent, on va dire, on mange des racines, c'est facile, on déterre ça, c'est tout comestible. Eh bien, non, il y en a une qui est mortelle. Et quelqu'un l'a essayé avant vous, donc ils savent, ils sont morts. Ils savent plus, ils sont morts. C'est testé de façon expérimentale. Mm-hmm. Alors, donc, encore une fois, les racines, on oublie. Et une autre plante s'appelle l'if du Canada, qui en fait un petit arbuste qui ressemble à... Les feuilles ressemblent à s'y méprendre à du sapin. Aïe. Donc, ça ressemble vraiment à des feuilles de sapin. Mais ça fait des petits fruits rouges. En théorie, ils ne sont pas des fruits, parce qu'un conifère n'avait pas de fruits. Mais ça fait vraiment une espèce de petite baie rouge qui, elle aussi, est mortelle. Puis, pour ce qui est de l'if, c'est assez toxique. On parle de... C'est la graine au milieu du fruit qui est toxique. Ça prend 8 à 10 graines. Puis c'est des minuscules graines. On parle de 1 mm ou 2 de diamètre. 8 à 10 graines sont assez pour tuer un homme de ma stature. Wow. Donc, il faut faire attention. Très grand. Très grand. À la radio, c'est difficile. C'est ça. Bon. Donc, encore une fois, les fruits, si on pense manger n'importe quel fruit qu'on trouve, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, on se rabat sur la dernière option qui est souvent la plus facile à trouver et puis la plus sécuritaire. Et je vous laisse essayer de deviner. Oh, Colin. Moi, j'irais avec l'écorce. L'écorce? Ça peut être popé, quoique très peu nutritif. Ouais. Mais on parle de quelque chose qui est très riche en protéines. Des noix. Gazon. Des noix. Les noix. Des noix. Dans le joue d'un écureuil. Ben oui. Rends-moi ça. Cache-moi ça. C'est pas des noix, c'est des insectes. Petit frisson ce matin. Ouais. C'est sûr que c'est loin d'être assez appétissant, même si je vous dis que des vers de terre cuits goûtent comme du poulet, c'est assez méprendre. Ben oui, ça goûte le poulet. Tout le monde dit ça goûte le poulet. Ah, c'est essayé. Moi, je parle par expérience, okay. Vers de terre cuit. Ça goûte vraiment le poulet. Donc, même si c'est peu attrayant, l'Insectarium à Montréal nous offre des fois quelques petites expériences de dégustation d'insectes. Mais ils sont couverts de chocolat, là. Oui, des fois, ou de sucre d'orge sur une pizza. C'est sûr que c'est différent. Mm. Mais si vous êtes mal pris, dites-vous que la règle en général, c'est 6 pattes et moins. C'est comestible. C'est quoi, 8 pattes, c'est des araignées, ça? Oui, c'est exact. Il n'y a pas d'araignées. L'araignée, on essaie d'éviter. Quoi qu'il y a certaines araignées... On essaie d'éviter. Je fais mon gros possible depuis ça, des fois, ça dégoûte tellement qu'on prend pas le temps de compter des pattes. Puis les araignées, ça ne sera pas dangereux. Okay. Juste que les araignées, même quoi que trop petites ou dangereuses pour l'être humain, ont quand même des fois des petites toxines pour chasser leur proie. On essaie d'éviter de se mettre dans des situations un peu délicates. On ne mord pas un serpent non plus? Non. Non. Ben, c'est pas un insecte. Je prends des exemples comme ça. Mais en fait, un serpent, ça pourrait, une fois cuit, ça pourrait être une bonne idée. Mm-hmm. C'est de la viande quand même. Puis ça a moins de 6 pattes. En fait, ça n'a pas vraiment tout. Mon exemple n'était pas si pire que ça. Non, il était quand même très bon. Ouais. Sinon, on pense par exemple à ton sauterelle ou aux criquets qui sont assez croustillants une fois cuit. Moi, personnellement, je vous conseillerais d'éviter les papillons. Okay. Très, très, très amers. Souvent, plus ils sont beaux, plus ils sont colorés, moins ils goûtent bon. Les vivres sont beaux. Le reste de ta famille? Il y a juste 4 pattes. Ouais, c'est juste 4 pattes. C'est sûr que c'était vraiment mal pris. Moi, je prends ta règle au pied de la lettre. Pied et là, le premier morceau que tu vas voir. toi. Moi, je finirais par lui. Ça doit être comme le plus. C'est celui qui travaille le plus. C'est sûr que c'est lui qui est le plus coriace. Bon point. Faut que tu le laisses mijoter plus longtemps. Mais encore là, on le voit avec le point de vue énergie dépensée pour trouver la nourriture. Puis je pense qu'avant que tu convainques tes compatriotes que leur cuisse, c'est le meilleur morceau à manger aujourd'hui. Ah, ben moi, je leur demanderai pas leur avis. Là. Si tu le demandes, tu vas avoir un refus. Puis c'est jamais le fun, un refus. Hein. Écoute, je vais être le premier à surveiller cette nuit le campement. Tu peux dormir en paix. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Tu vas dormir, tu penses même pas te réveiller. Ça fait que là, est-ce qu'il faut éviter les petites larves? Est-ce que c'est des insectes? C'est des insectes. En fait, si on trouve des œufs de fourmis, par exemple, dans un tronc d'arbre mort, c'est très nutritif aussi. Je vous garantis pas pour le goût, par contre. C'est sûr que ça reste des insectes, ça reste des détritus. Mais rendu là, je pense que le goût est pas vraiment la priorité. C'était mal pris, c'était mal pris. La question de l'enfant était bonne. En fait, des insectes, c'est une. Des larves. Ben, ça a moins de 6 pattes. On pense aux escargots ou aux limaces qui sont pas des insectes, mais des gastéropodes, mais ils ont moins de 6 pattes. Donc, c'est comme ça pourrait. Okay. Ça fonctionne très bien, en fait. C'est toutes des sources. Puis c'est sûr qu'il part des petits malaises gastriques. Veux pas, on n'est pas habitué de manger ça. Au moins, tu vis. Au moins, tu vis. Puis c'est aussi, ces êtres-là, ils ont souvent, ou en fait, ils ont pratiquement pas de toxines ou rien. Ils n'ont pas de mécanismes de défense dangereux, comme les araignées, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est la meilleure solution. Mais vraiment, éviter les papillons. Pauvre petite bête, qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu les insultes de même? Vous avez même pas de mécanisme de défense. Tiens, toi. C'est triste, l'évolution. Ah, ben, je suis prêt à me perdre. Oui. Oui, Mathieu, il n'a pas l'air convaincu. Pas il est comme là, je veux pas. Ben, est-ce que je devrais avoir un livre de choses comestibles dans la forêt sur moi? Ah. Parce que là, si je veux pouvoir voir une photo, là, c'est quoi ce champignon-là avec un voile, moi, là? Mm-hmm. Ça pourrait être une bonne idée, mais encore là, souvent, les livres vont utiliser certains termes techniques. Par exemple, si on prend la ciguë qu'on parlait tantôt, la ciguë et la carotte sauvage, ouais. C'est une question de comment est-ce que les feuilles et les fleurs sont disposées sur la tige. Et là, il y a un terme pour ça, un terme technique. Si je te dis, disons que c'est une corymbe ou c'est une ombelle, c'est écrit dans le livre, mais c'est quoi visuellement, c'est difficile à voir. Okay. Donc, c'est une très bonne idée, mais faut pas penser que le livre est la seule. Si on se procure un livre, faut être prêt à chercher un peu puis s'y connaître un petit peu, faut en pousser un petit peu plus pour avoir les termes techniques. Je suis sûr qu'il y a des applications iPhone, mais rendu là, ouais. En forêt, ça marche pas. Quelqu'un. C'est-tu, j'ai jamais vérifié, mais ça serait intéressant de vérifier si c'est pas ce genre d'application-là. Puis si, mettons, là, on se perd, là, puis qu'on a. Tu fais, oh merde, je me perds. J'imagine que le but, c'est puis t'as un peu de noix, des petites affaires. J'imagine que le but, c'est d'étirer les étalés. Oui, exactement. On peut les étaler. Et comme je disais un peu à Mathieu pour la chronique de la règle des trois, après, c'est sûr qu'après trois semaines, en tout cas, qu'on commence à être faible, puis on n'a plus beaucoup de réserves de graisse, mais le sentiment de faim, l'espèce de petit crampe intestinale, ça part après trois jours. Donc, c'est assez surprenant. Pour avoir déjà essayé un jeûne de 5 jours et plus, c'est vraiment après 3 jours, t'as plus faim. Donc, c'est sûr que les étirer, c'est une bonne idée, mais faut pas succomber dans les premiers jours à l'espèce de rage, nourriture, de « Ah, j'ai des noix, je vais toutes les manger maintenant. Mm-hmm. » Bon, certaines personnes vont dire que la meilleure place où mettre la nourriture, c'est dans ton corps. Ouais. Mais moi, je suis d'accord pour dire que c'est mieux de les tirer un peu pour un apport égal. Puis j'imagine que c'est pas parce que t'as plus faim il y a pas trois jours que ton corps a pas besoin de nourriture quand même pour survivre. Exactement. Donc, je peux plus t'en rendre compte. Ouais. Exactement. Dans le fond, c'est juste pour dire de pas succomber aux petits instincts des premiers jours puis pas tout manger tes réserves de nourriture. Tu fais un gros snack, là. C'est vraiment cool. Celle-là va être bon. Oui. Est-ce que tu veux m'aider à accueillir notre maintenant chroniqueur préféré, je pense? Oui, mais on pourrait revenir en ville. Oh, oh oui, oh. Voici la carte des trucs et astuces UQTR. Et me voici qui dévale la pente encore une fois. C'est... Plongeons comme au grand saut avec Benoît Gagnon. Antoine Rioux, bonjour à toi. Bon matin, messieurs, comment ça va? Hey, on est en pleine forme et en plus, là, on est heureux. Oui, tu nous rends très heureux et très gêné en même temps. Parce que ça nous émeut. Tu nous as donné des beaux chandos. Effectivement, des beaux chandos, un chandail chaque, donc un chandail des chandos. Ben oui. Pas le même chandail, étrangement, ça aurait pu. Effectivement, alors, pour ceux qui sont à l'écoute, nos amis ici animateurs ont reçu des t-shirts du club de plein air UQTR ce matin. Tellement beau avec le beau logo. Ils sont doux. Ils sont très doux, la texture. On trouvait... Ben, ça a été la première chose que j'ai remarqué, en fait. Ils sont doux. Et la couleur est jolie aussi. C'est un genre de crème. Crème qui en fait la couleur naturelle du coton. Parce que le coton n'est pas teint dans ces t-shirts. Pas de teinture là-dessus du tout. Alors, si nos auditeurs veulent s'en procurer, on en vend assez régulièrement à l'école. On fait des kiosques. Sinon, avec n'importe quel membre, via notre site internet ou notre page Facebook, ils sont en vente au coût de 12 $ ou 10 $ pendant qu'on fait une activité. Cool. Ils sont moins chers si vous venez dehors avec nous autres. C'est une bonne idée, c'est pas pire, ça. Pour vous encourager à sortir un peu, hein. Moi, peut-être que ça va m'encourager à sortir aussi si j'ai un chandail UQTR comme ça, hein. Et peut-être aussi arrêter d'inviter tout le monde de l'AGE-UQTR à tous les jours, puis ça va peut-être m'enlever l'expression AGE-UQTR. Oui, on dirait que je dis, aussi que je dis UQTR, faut que je dise AGE avant. Ça va là. Donc, de quoi on parle aujourd'hui, Charles-Antoine? Et aujourd'hui, pour notre petite chronique, ça va être thématique un peu dans le même, même ordre qu'il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on parlait de qu'est-ce qu'on fait manger en forêt lorsqu'on est en situation de survie. Oui. Alors, cette fois-ci, ça va être plus alimentation en plein air en général. Donc, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très, très complexe, l'alimentation. Les détours. Sans faire de détours. Hein? C'est très complexe, l'alimentation en général. Surtout quand on fait du sport, il faut qu'on calcule nos dépenses en énergie pour y aller de façon équivalente. Mais en plein air, il y a quelques petits principes qu'on essaie de conserver. Le passe-temps, ça va être... Il faut connaître à la base un peu les trois grands types d'apports énergétiques qu'on peut manger dans la nourriture. Donc, on a les glucides, sont en fait les sucres. Les protéines qui viennent souvent des noix, de la viande et des légumineuses, et les lipides, sont en fait les gras. Lorsqu'on fait du sport, évidemment, il faut toujours qu'on mange un peu plus que qu'on mangerait normalement si on faisait pas de sport, parce qu'il faut que notre corps ait assez d'énergie pour y aller. En plein air, souvent, c'est important parce qu'on se ramasse dans la situation où on est loin, on est parti chez nous. Donc, si on oublie la nourriture, si on n'a pas amené assez, ben ça se peut qu'on ait besoin de la chronique d'il y a deux semaines, parce qu'on va se ramasser parce qu'on n'aura plus rien. Mais c'est bon de penser. Juste des petites choses comme savoir que l'énergie se calcule en kilocalories ou en calories, si on veut, l'énergie qu'on va manger. Juste pour donner une espèce de petite unité de mesure, on va pas le calculer ce matin. Si on mange, par exemple, des sucres, autant des fruits que du chocolat, des glucides, on a à peu près 4 calories par gramme. Donc, c'est à peu près pour donner une idée de c'est quoi l'apport énergétique. Pareil pour les protéines. Si on mange, par exemple, des noix ou des légumineuses comme des fèves ou du beef jerky, parce qu'on entraîne un peu souvent quand on va marcher, c'est à peu près ça, 4 calories par gramme. Mais des lipides, des gras, c'est 9 calories par gramme. Donc, on peut voir en partant que les gras sont beaucoup plus énergétiques que les autres. Donc, si on peut peut-être penser à mettre des choses un petit peu plus grasses, sans y aller avec la cuillère de Crisco. La poutine ou la cuillère de Crisco. La cuillère de Crisco, c'est peut-être pas une bonne idée, là. Mais... de l'huile d'olive, par exemple, dans une salade, si on traîne ça, ou des avocats, des choses un peu plus grasses, souvent plus énergétiques. Donc, on pense comme ça. Aussi, les protéines sont souvent très importantes, sont souvent celles qui vont nous nourrir. Donc, on pense souvent à prendre des noix, prendre des légumineuses, comme j'ai dit, donc tout ce qui est fèves, tout ce qui est bine. Une canne de chili. Ouais. Pas très bon aussi. Et puis, évidemment, des sucres, c'est toujours intéressant. Il faut aussi penser que les différentes énergies ne se consomment pas de la même façon. Les sucres, on va les consommer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est toujours intéressant de dire qu'on se fait ce qu'on appelle un GORP. C'est Good Old Peanuts and Raisins. Okay. GORP. En français, on peut se dire une grosse hostie, une ration de peanuts. Ça peut être ça. C'est souvent l'espèce de mélange randonneur classique qu'on peut trouver à l'épicerie. C'est un mélange de noix, de fruits séchés, de petits raisins secs. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont pas randonneurs qui mangent ça dans la vie que les randonneurs. Oui, tout à fait. Mais à la base, c'était un peu l'espèce de petite ration, le petit vivre de course. Le classique. Le petit sachet qu'on sort de la poche puis qu'on peut juste manger un temps en marchant ou en se promenant, qui est assez énergétique parce qu'on va avoir des Smarties pour du sucre, des fruits un petit peu séchés, des noix. C'est super intéressant. Somme toute, c'est toujours à penser aussi, toujours traîner un petit peu de nourriture. Là, lorsqu'on sort, c'est important. Toujours y penser un peu si on peut se ramasser à manger des insectes. Alors, Max, c'est peut-être agréable comme activité. Ouais. Ça dépend, c'est quoi l'objectif final. C'est exactement. C'est quoi l'objectif éducatif de la sortie. Comme on l'a dit il y a deux semaines, mangez pas n'importe quel champignon, mais retournez écouter la chronique d'il y a deux semaines. Mm-hmm. C'est important, ça. Oui. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est bon à manger ou non. Hein. C'est super le fun. Et puis aussi, dans le fond, moi, j'ai eu la chance de travailler comme responsable des expéditions pour une base de plein air durant un été de temps. Donc, j'étais responsable de tout ce qui était logistique, nourriture, équipement, situation d'urgence et tout. Et durant mon passage, j'ai monté un petit logiciel qui en fait un logiciel Excel super simple. Puis ça se trouve à être un menu d'expédition sur 5 jours. Donc, on ouvre le logiciel va être disponible sur notre site Internet. On le rend gratuit aux participants. Puis vous avez un menu de 5 jours avec les quantités et tout. Donc, vous rentrez le nombre de personnes que vous êtes, dépendamment de l'âge, de différentes cases. Puis ça vous donne 5 déjeuners, 5 dîners, 5 soupers et des extras pour les collations. Toutes les quantités sont là. Wow! Donc, si ça veut jamais se tenter de partir en expédition ou juste une petite sortie, vous prenez vous partez 2 jours, vous prenez les 2 déjeuners que vous voulez. Et puis, ça va être disponible pour vous sur notre site Internet. Mmh. Merveilleux, ça. Vous êtes rempli de talent. On essaye. Mmh. feeling weak. D'autres chroniques de la part de nos précieux collaborateurs. Vous écoutez Aucun outil requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. De retour à Aucun outil requis. Dans cette émission estivale, on rassemble chaque semaine quelques chroniques diffusées pendant l'année scolaire 2012 et 2013. N'oubliez pas que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est là que vous pourrez retrouver toutes nos chroniques originales. Mais ça, c'est ça. Tu parles de moi dans mon dos? Non, c'est pas ça que tu penses. J'ai écouté dans ses oreilles, je t'entends pas, fait que tu parles dans mon dos? Non, mais je fais semblant. Il est devant toi. Hein? Il est devant toi, pour pas ouais, non, c'est dans ça. Mon dos. Puis, je fais semblant de parler, je fais... Comme Dino. Oui. Bon. Donc, non, justement, le Dino de notre émission, c'est-à-dire qu'il est pas là souvent, il est souvent dehors. Dehors, comme de la maison, dis-nous. Il était souvent dehors de la maison, il se faisait embarrer dans. C'est un lien douteux vers la chronique du club plein air UQTR. En plus, il pleut. En Dino. Plus. Dino. Oh. Qui dort Dino. Ah. Qui dort Dino. Elle se trop ce matin, les gars. C'est pas facile. Wouh! Yeah! Là, c'est moins une pente de ski que plus une descente de... Vers une flaque. Une descente d'entrée trop froide encore. Aquaplaning. Oh oui. Chantonne Rioux, bon matin. Bon matin, messieurs, ça va bien? Oh, d'une forme exemplaire. Pas pire, exemplaire. Hein? On a... On s'est, comme Dino, fait aller le dos pour tout tasser l'eau de... Comment ils font? En tout cas, on parle de quoi aujourd'hui? Ce matin, en fait, on parle... C'est drôle parce que je pense que c'est notre première vraie... gros début de journée de pluie ce matin. Oui. Hein. Et la chronique va être un peu en lien avec ça. Ce matin, comme le printemps s'en vient, ça s'en vient être boiteux, on va avoir plus humide, disons. On va apprendre comment bien choisir un imperméable. Oh. Parce que, tant qu'à moi, il y a trois morceaux qui sont essentiels en plein air. C'est sûr qu'on peut investir dans plein de choses, mais ces trois morceaux-là, si c'est de moins de bonne qualité, ça peut vraiment vous ruiner un séjour. Il y a des bottes ou des souliers. C'est genre juste qu'on va avoir, qu'on quand même investir pour avoir un bon support, puis surtout pour avoir les ampoules après une heure de marche. Un sac à dos, parce que dès qu'on traîne un peu de bagage, si c'est trop croche sur le dos encore là, ça va être un voyage. Et un imperméable. C'est les trois morceaux essentiels à mon avis. Comme Paddington. Et son imperméable. Effectivement, oui, c'est ses bottes. Pas mal ça. Je pense qu'il y a un sac à dos, pas sûr. Ou un baluchon. Bref, il y a un contenant à sinon, il y a des sacs à dos avec Paddington dessus. Donc, ouais. Mais ça, c'est sûrement pas celui qui est recommandé pour partir en expédition. Non. Effectivement. Pour en revenir aux imperméables, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grands types d'imperméables. Il y a les imperméables qui sont avec, on dit, un enduit imperméabilisant et ceux qui sont avec une membrane. Ouais. Donc, c'est à savoir qu'est-ce qu'on va choisir entre les deux. Si, disons, on dit enduit, on pense à tout ce qui est soft shell ou à plastique imperméable qu'on peut acheter, disons, à moindre prix, si on parle de 30-50$ dans un magasin un peu moins spécialisé. Ça, c'est juste que c'est une fibre, disons, le passage c'est du nylon. Dans le cas du softshell, c'est du tissu, c'est très, très, très serré, sur lequel on va enduire un produit qui va imperméabiliser le tissu. Donc, c'est souvent les moins dispendieux. Puis encore là, tu sais, c'est toujours bon de choisir selon par rapport à quelle activité qu'on veut faire. Ouais, tu veux juste sortir de ton auto pour aller au travail puis rentrer dans ton auto après. C'est super efficace. On n'a pas besoin du gros actérisque comme on voit la plupart du temps. Ouais. Donc, justement, l'idée avec les enduits, souvent, c'est d'essayer de parler un peu au vendeur à savoir c'est quoi la durée de vie de l'enduit. Si vous dites que ça dure 6 mois, 1 an, c'est peut-être pas un très bon investissement parce que changer d'imperméable à chaque année, ça vient assez dispendieux. Ouais. Je ne veux pas nommer de nom de compagnie, je ne veux pas trop faire de publicité non plus, mais il y a certaines compagnies qui peuvent avoir des imperméables. Si on parle d'un prix intéressant, entre 75 et 80$, souvent, c'est l'espèce d'entrée de gamme des imperméables à enduit qui valent vraiment la peine. Donc, souvent, le prix va parler un peu. La compagnie arrive avec Pork Face. Non, c'est pas vrai. Pork Race. Oui. Maintenant, si on change de catégorie, on va vers les imperméables à membrane. Qu'est-ce qu'une membrane? En fait, pour, le bon exemple que tout le monde comprend très, très bien, une membrane, c'est un peu comme du Gore-Tex. Tout le monde sait c'est quoi du Gore-Tex? Bon, eh bien, comme du Fentex. Non, c'est un petit peu différent. Okay. C'est un tissu assez mince les deux, mais ils n'ont pas la même propriété. Fais pas comme si ça avait du sens ce que j'ai dit. OK. J'essaie de ramer, mais bon. Il n'y a pas assez d'odeur encore. Alors, une membrane, si on prend un Gore-Tex par exemple, c'est juste une partie de tissu très, très, très mince qu'on va mettre sous qu'on va laminer sous un autre tissu comme du nylon pour l'extérieur qui va être impair respirant. Le principe, ça c'est un peu spécial à comprendre. Comment ça peut être imperméable et respirant à la fois? Tout est par rapport à la... Dans le fond, une membrane, c'est un tissu qui a plein de petits trous à l'intérieur. Les trous sont supposés être assez petits pour empêcher l'eau liquide de rentrer, mais assez gros pour permettre à la vapeur d'eau de sortir. Donc, c'est imperméable, ça vous coupe de l'eau extérieure quand il pleut, mais si vous avez chaud, ça devrait permettre à laisser sortir la vapeur d'eau ou la sueur pour pas que ça se commence à l'intérieur. L'idée de la membrane, comme on disait, Gore-Tex, c'est une compagnie qui font quasi exclusivement des membranes. Ils vont les vendre à différentes compagnies pour faire des manteaux. Donc, souvent, les gens pensent que Gore-Tex, c'est un gage de qualité. Eh bien non, c'est juste une sorte de membrane. Et même que plus ça avance, plus on réalise que c'est une membrane qui est encore moins efficace. Gore-Tex, c'est à base de Teflon, donc elle n'est pas stretch et elle vient très, très cassante avec le froid. C'est une membrane qui est efficace, qui va être très imperméable, mais très peu respirante. Donc, si vous êtes comme moi, une personne qui va suer excessivement facilement, eh bien, je viens plus mouillé à l'intérieur qu'en dedans. Dès que je fais un peu d'effort, dès que je marche, même avec du Gore-Tex, donc, c'est pas intéressant. C'est pas l'idéal. Et c'est plus cher? C'est plus dispendieux, effectivement. On part autour de 150$, ça peut monter jusqu'à 7, 8, 900$ wow. Un imperméable avec une grosse membrane. Si c'est pas pour être efficace, autant. Non. Ouais, c'est en plein ça. Mais encore là, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est toujours cette idée-là. Souvent, les gens vont penser, plus je paye cher pour un morceau, plus il va être de bonne qualité. Mais il y a un peu de vrai là-dedans. Ouais. C'est un mythe, effectivement. Par exemple, ça, on parlait avec les impermembranes de... On parle, c'est un 2 plis, c'est un 3 plis. Comme les Kleenex. Comme les Kleenex. Papier de toilette. Effectivement, c'est les épaisseurs. Donc, si on parle d'un 3 plis, c'est qu'il va avoir une couche extérieure d'un tissu qui va être pour empêcher que la membrane soit affecté avec le temps, en fond, à cause de la friction. La membrane, et à l'intérieur, on a collé un autre pour qu'il soit plus épais. Ça, souvent, c'est un imperméable d'hiver. Donc, on fait ça du multicouche l'hiver, on met plusieurs épaisseurs, puis on finit avec ça. L'été, il est beaucoup trop chaud, beaucoup trop épais. Donc, l'été, on commande un 2 plis si on veut avec les membranes. Puis encore là, c'est de voir, chaque compagnie va avoir leur membrane maison. Encore là, on a même pas de nom, mais parler aux vendeurs, puis eux vont connaître les membranes, ils vont connaître leurs propriétés. Donc, si vous êtes genre, justement, à sortir 2-3 fois semaine, à marcher pour aller faire l'épicerie ou faire un peu de randonnée, peut-être opter pour la membrane parce qu'elle dure aussi plus longtemps. On peut parler jusqu'à 4 à 5 ans pour un imperméable, contrairement à l'enduit qui dure 2-3 ans, gros maximum, à la plupart du temps. Ouais. Donc, mais c'est toujours, partez pas avec l'idée, je vais payer plus cher pour avoir un meilleur imperméable. Partez avec l'idée, bon, c'est quoi l'activité que je fais, puis qu'est-ce qui va vraiment faire l'affaire par rapport à ce que je fais. Cool. Puis si on s'achète un imperméable et qu'on l'utilise pas une année, ça compte-tu comme une année de vie, ça? Si, mettons, il est juste dans le... Ça, c'est une bonne question. En fait, pour vous, non, parce qu'il va durer un an de plus, mais pour la compagnie, oui. Souvent, les compagnies vont vendre des garanties avec leur manteau. Puis ça, il faut faire attention. Ils vont dire garantie à vie, mais il faut poser la question, garantie à vie de quoi? à vie le zipper du produit, produit ouais. ou à vie du consommateur. Si c'est à vie du produit, votre manteau, à chaque année, ils vont changer pour pouvoir les reconnaître quelle année qui ont été faites. Puis si, disons, tu ne le portes pas pendant 2 ans, tu le mets 1 an, puis le gars te dit, garantie à vie, ma vie du produit, puis la vie du produit, c'est 3 ans, mais il est fini, même si il est 1 an, il n'est plus réparable. Faut faire attention. Puis encore là, c'est juste contre les bris matériels. C'est juste contre les. En fait, ça ne couvre pas l'usure. Sauf quelques compagnies qui vont faire des garanties à vie sur satisfaction. Alors là, si dans 20 ans, tu considères qu'il t'a mal servi, il te l'échange. Ben, tu vois, moi, ça, je considérais ça comme... On dirait que ce serait un point de plus de leur part s'ils ont une garantie comme celle-là. Oui. Ça fait qu'ils ont vraiment confiance, apparemment, en leur produit. Tout à fait. Ça, je trouve ça cool. Et surtout, ils ont confiance en les consommateurs. Parce que une compagnie que j'aime beaucoup... Encore une fois, on... Fait des rimes. Compagnie que j'aime beaucoup, disons, qui finit en IA... qui ont cette... Tu me perds un peu, mais c'est pas grave. OK, on va en nommer juste une, OK? Disons Patagonia. C'est une compagnie qui font les imperméables. Eux vont avoir une garantie à vie sur satisfaction. Okay. Donc, si dans 20 ans, je constate que mon imperméable n'a pas fait la job, que j'ai pas bien investi mon argent, ils vont me le rembourser. Mais moi, dans 20 ans, s'il est scrap, puis je suis assez rough sur mon équipement, j'irai pas me le faire échanger parce que je sais que je m'en suis servi de la façon, puis comme du monde, puis il m'a satisfait pendant 20 ans, mais c'est normal que j'ai besoin de l'imperméable. Donc, ils vont suivre vraiment l'espèce de gros bon sens des gens de ne pas abuser de ces garanties-là, et ça leur revient. J'espère que les gens abuseront pas, parce que sinon, ça va changer. Puis il y a toujours qu'ils le font, mais faut il est pas me pourri! Mais il faut avoir confiance en la race humaine. Mais là, moi, tu m'as pas parlé, ma belle philosophie de vie, mais tu m'as pas parlé des manteaux que tu peux comme rentrer dans un sac banane. Tu sais, que c'est dans la capuche. Parce que moi, c'est sûr que c'est mon critère. Si ton critère, c'est vraiment le fait qu'il soit pack light, donc très compact. C'est drôle parce que, en passant, les petits manteaux comme ça qui sont très très minces, c'est du un pli, ils ont juste une épaisseur. Ça va être des manteaux avec des enduits, encore une fois. Donc, ils ont mis un push-pouce ou un spray dessus qui fait qu'ils vont être imperméables. À savoir s'il va durer une saison, c'est encore dur à dire. Certaines compagnies vont en faire, par contre, ils sont très très petits, très très légers. Okay. À rigueur, qui vont rentrer dans des détails assez impressionnants. Là, on parle de ça rentre dans ta poche avant. Un salami. Tanche de ballonné. Donc, il peut vraiment rentrer dans nos poches. Donc, la grosseur d'un portefeuille, c'est pas plus petit. Ils sont quand même de bonne qualité, mais encore là, il faut parler au vendeur, puis ça va être le prix. Mais ça existe. C'est cool. Tu parlais d'enduits. Est-ce que ça s'achète, ces enduits-là? Oui. Question stupide. Mais... On peut acheter dans les magasins de plein air ou tout le magasin. C'est un peu comme un enduit que tu mets sur ta tente. Là, ouais, en plein ça. C'est le push-push. Ouais. Il y en a qui vont avec aérosol, d'autres avec vraiment une espèce de push-push manuel. Pour ceux qui sont. Certaines compagnies sont plus concentrées par rapport à l'environnement. Ouais. Mais oui, ça se vend. On peut les. Rendre ton hoodie. De... Ouais, ça fait. On peut les réimperméabiliser. Et dans le cas des softshells, c'est un enduit qui est beaucoup plus persistant. Et celui-là va être réactivé par la chaleur. Donc le softshell, on le met à moyenne température dans sa chaise pendant peut-être 10 minutes, puis il va se réimperméabiliser de lui-même. Oh, malade. Donc, t'as vu la info pub à télé du gars qui vend un spray puis qui va dans son canot, il met du spray dans son canot, il y a un trou dedans. C'est quoi le nom? Il met une porte patio à la place dans le fond du canot, il met une porte patio en moustiquaire. Il met du spray avec ça. Je ne l'ai pas testé, mais je me suis dit que ce serait une bonne chose à essayer. Souvent, je vais en expédition l'été, puis quand on part, on traîne quelques petits gosses comme ça pour au cas où nos choses brisent. Ben, peut-être que cet été, je pourrais l'essayer puis vous en parler à la session de l'automne. Ça serait très cool. Je vais chercher ça, puis on va revenir là-dessus. Voici la chronique du Club plein air, UQTR. C'est fun d'avoir un petit tour d'intro comme ça. Voilà. On s'y prend. Mets des skis. J'ai mis sans date. Ah, ça va aller. Voilà. Donc, Charles-Antoine Rioux, bonjour, bon matin. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Hey, on est en forme. Très en forme. Par contre, tu nous as posé une colle cette semaine. Effectivement, comme c'est la dernière, en fait, j'annonce avec une petite larme, il y a un micro, que c'est la dernière chronique EQTRAIR. De la session. Mais de la session. De la session. Faut pas partir sur ces grands chevaux puis paniquer, là. Au grand galop. Grand galop. Je montre pas si t'es grand chevaux, donc on arrête ici, mais à l'automne. À l'automne, on devrait être de retour en force. Avec toi? Possiblement. Oh, possiblement. Cool. Par contre, à l'hiver, ça risque de pas être moi si on continue encore. Mais... Triste. Mais aujourd'hui, donc, pour terminer ça en grand, tu t'es donné une grosse mission. Je me suis dit qu'on s'amuserait ce matin. Tout le long des petites chroniques de la session, on a quand même discuté des sujets assez intéressants, des choses qui nous, dans le club, nous intéressaient beaucoup. Fait que tu t'es dit, je vais leur faire poser des questions pour que ce soit un peu inintéressant. C'est en plein ça. Dans le fond, j'avais plus d'idées, fait que je voulais. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais je me suis dit qu'on pourrait se lancer un petit défi à moi-même, parce que en fait, pour moi, c'est une première à la radio cette session-ci. Je me suis dit, on pourrait pousser un peu mes limites, me repousser. Uh-huh. Et je me suis dit qu'on pourrait essayer de faire un peu d'impro. Donc, en même temps, vous qui avez la gentillesse de m'accueillir dans votre émission une semaine sur deux, je me disais, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport au plein air, on pourrait me poser, je pourrais tenter d'y répondre. Ce serait l'accepter suggéré ce matin. On a tous trouvé un petit peu, mais je pense que Jean-Philippe en a plus que moi. Ouais, ben en fait, là, c'est ça, il parlait justement de le mettre au défi. Fait qu'on a un micro-casque, on a des patins à roues alignées, tu vas t'accrocher derrière une auto, puis il va falloir que tu répondes correctement à nos questions. J'aime ça. Non, ben oui, c'est ça, écoute, ça m'a... parce que tes chroniques étaient toujours très intéressantes. Fait que je me suis dit, il va quand même falloir que je pose des questions pertinentes, oui. Parce que sinon, ça sera pas à ta hauteur. Puis là, hier, on en parlait un peu avec Mathieu, puis avec l'équipe, puis on était là, il faut qu'on essaie de trouver des questions de plein air. Puis là, des fois, la question qui revenait, c'était, mais tu sais, le plein air, c'est vague. C'est très vague. Qu'est-ce qui peut être est-ce compris? Est-ce que passer sa tondeuse, c'est-tu du plein air? C'est-tu une sortie en plein air? Hein? Et puis là, après ça, on avait Alain pour lui dire bonjour ce matin. Le faire, oui. Ben oui, qui se demandait si faire du barbecue sur son gazon pouvait être considéré comme faire du plein air. Parce que moi, ma définition, c'était du plein air, c'est dehors. Quelque chose de dehors. C'est pas mal le seul critère que j'avais. Là. Fait que là, j'espère qu'on t'a à côté contre le mur. C'est une très bonne peine, en fait, parce que je dirais que même les gens du milieu n'arrivent pas à s'entendre sur qu'est-ce que le plein air. Ça, c'est un peu comme qu'est-ce qu'une montagne en géographie. Il n'y a pas de définition. Tout le monde a un peu la sienne. La mienne, vous avouerez que c'est. Il y a à peu près trois critères, tant qu'à moi. Ce serait évidemment à l'extérieur, peu importe la température, qu'il y aurait une activité physique au moins légère. Donc, malheureusement, pour le barbecue, à moins qu'il... Mais ton bras, il bouge pas mal. Ton bras, il bouge pas mal, effectivement. Mais ça m'étonnerait que le rythme cardiaque augmente. Alors, Max, si t'es bien stressé avec tes boulettes, tu fais de la corde à danser. C'est quand je pars le barbecue que le stress poigne, parce que ça met le feu. C'est ça. Et mon troisième trait, ce serait avoir un minimum d'éloignement, disons. Donc, essayer de sortir un peu du cadre urbain. Ça, on va parler de quand on sort de la ville, on parle d'avant-pays et d'arrière-pays. Mm-hmm. Un peu front country, back country en anglais. C'est un peu l'espèce de niveau. On peut dire que l'avant-pays est plus accessible, est plus fréquenté dans les parcs nationaux, l'aventure un peu plus douce. L'arrière-pays, là, on tombe dans le plus extrême. Ça serait les trois critères pour définir le plein air tant qu'à moi. Très bien. Et le mot plein air en tant que tel, comment c'est sorti ce mot-là? Parce qu'en anglais, on dit the great outdoors, c'est les grands extérieurs. Là, mais plein air, pourquoi c'est plein d'air? Parce que c'est là où il y a de l'air. Il y en a en dedans aussi de l'air. Sais-tu, je me suis jamais posé la question. Faudrait chercher un peu la recherche. J'ai comme l'impression, parce que l'espèce d'engouement sur plein air a commencé beaucoup plus aux États-Unis. Eux, ils ont des programmes universitaires, des programmes scolaires qui sont plus vieux que les nôtres par rapport à ça. Puis eux autres, c'est du outdoor recreation. Okay. Donc, j'ai comme l'impression que le plein air, si j'avais à prendre un guess, ce serait une traduction un peu de outdoor recreation. Récréatif extérieur. Extérieur, à l'extérieur, donc plein air. Mais j'ai jamais cherché sur l'historique du mot. Ça, je pense que ça va être la première chronique la session prochaine en rentrant. Okay. Je vais la trouver. Hein, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, puis il est pas préparé. Cool. Non, c'est fâchant. L'improvisation. Mixte. Oui. Bon, ben écoute, c'est pas pire. On va y aller pour une plus tard d'abord. Hein. C'était game. Je voulais savoir, est-ce que les miettes, mettre des petites miettes de pain est un moyen efficace pour ne pas se perdre? Je t'ai dit, il y en avait des sérieuses puis il n'y a pas de sérieuses. C'est pas une sérieuse, celle-là? Oui, c'est sérieux, ben oui. Ah, okay. Ça dépend. T'sais, si tu veux te perdre toi-même, je pense que c'est un moyen efficace pour trouver, c'est sûr, des miettes de pain, mais en fait, non. En fait, je pense que ça vient d'Ansel et Gretel, l'histoire de pain. Ça a-tu fonctionné dans cette histoire-là? Ben non, je pense que non. Pour manger, J'ai pas mal l'impression que ça serait manger aussi. Déjà qu'on a de la misère à tenir notre nourriture dans des sacs étanches, des barils étanches, suspendus aux arbres, loin des animaux, j'ai l'impression que des miettes de pain par terre, c'est un peu comme free food! J'en ai une! Oui! Je me demandais, est-ce que ça fonctionne vraiment l'histoire de la loupe là, dans un bois pour faire chauffer quelque chose? Mais toi, t'as besoin de faire chauffer... Ah, pour partir un feu? Partir sentir un feu, mettons. Hein? Effectivement, la loupe fonctionne pour de vrai. C'est pas un mythe. Et même que si vous êtes vraiment motivé, il y a moyen, ça c'est donc on se perd l'hiver, il y a moyen de prendre un morceau de glace transparent et de le sculpter avec ses mains, même avec la chaleur, en forme, pas en forme plat, mais une espèce de forme de lentille, si on veut, une espèce d'ovale, et ça va faire office de loupe. Donc, pas de briquet l'hiver, avec un peu de glace, on peut partir un feu grâce. Moi, j'ai essayé, puis ça m'a pris une couple d'essais avant de trouver la bonne forme. Puis mais tu l'as eu. La glace, oui, ça a fonctionné, effectivement. On peut en savoir qu'on peut faire une loupe. Il l'a essayé. Waouh! Wow, c'est impressionnant. C'est possible à faire, ouais. Fait que là, toi, tu peux dire que tu as déjà fait du feu avec la glace. Avec la glace. Et ça, c'est impressionnant. Ça, c'est mort. Effectivement. Ça, c'est mort, c'est badass. Vraiment. Je sais déjà prouvé à un client que je guidais, que j'arrivais à partir un feu avec ma pensée, parce que je me suis assis devant le feu, puis j'ai commencé à crier feu pendant une demi-heure, puis mon partenaire d'animation s'est tellement écœuré qu'il a parti lui, je regarde. Je sais que ma pensée. Donc, la glace et la pensée, c'est deux checklists. Ça, c'est impressionnant. Écoute, j'hésite entre une ou l'autre. Tu nous parlais souvent d'être prévoyant. Oui. Quand on s'en va. Ça serait quoi ton top 3 des choses que tu partirais avec? Si t'avais juste 3 choses, mettons. Donc, juste 3 objets. Ouais. Je dirais qu'il y aurait 2 situations. Si, mettons, je pars juste pour une petite journée puis je vais revenir assez bientôt, c'est sûr que feu et couteau, c'est les deux classiques. Un briquet puis un couteau, c'est pas mal l'essentiel. Puis peut-être un peu de corde, je t'avouerai. Mm-hmm. Mais disons que j'aurais à me perdre ou si j'ai à revoir de passer une longue période sans revenir, ça serait un peu différent. Je penserais à une petite hache, un chaudron et puis du feu encore une fois. Hein. Je pense que ça changerait. Le même gars que tantôt pour pouvoir crier feu puis qu'il se tanne. Oui. C'est possible. Tiens, dans le même domaine. Oui. Si t'étais sur l'île de Gilligan. Oh. Hein? Comment tu ferais pour t'en sortir avec professeur, Marianne, tout ça? Ce serait quoi ta solution pour partir de l'île? Ma solution parce que je suis pas très fort en navigation marine. Donc, il y a des noix de coco là-dedans? Le coconut, je sais pas. Faudrait voir. Il y a l'épouse du millionnaire. Moi? Ouais. Il y a les la G-Mail. Mais je pense que mon premier réflexe, ça serait de 1, rester calme. OK, oui. Et 2, carry-on. Keep calm and carry-on. Carry-on. 2, apprécier le fait que je sois dans les... dans le pays chaud. Okay. dans le casting de Gilligan's Island. C'est comme, c'est privilégié. Puis non, c'est souvent classique. Peu importe où est-ce qu'on se perd, évidemment, ça peut être relatif des fois, mais c'est l'idéal, c'est si t'es perdu, essaie pas de te mettre plus dans le ventre que tu l'es déjà. Fait que va pas essayer de te retrouver pour te perdre plus loin. Mm-hmm. Je pense que je me bâtirais une petite cabane confortable, je me mettrais à l'aise, je me ferais bien chum avec Mercredi, là. Le mélange de série. Oups, c'est quoi? Ça, c'est sucroué. Ah, Robinson Schmutt. T'aurais pu avoir Lost aussi. Lost, ah. Ouais, il y a le professeur. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Avec Loke. Ouais. Ah, ben écoute, ça me tente, moi, d'aller me perdre avec lui. Il me semble que j'aurais une petite cabane confortable. Ça me dérangerait même pas de dormir avec toi. Dans un lit d'eau. Si vous voulez rire, on avait des... moi, dans mon programme collégial, on avait des cours de survie. En fait, j'étais un technicien, mais en milieu naturel, c'est le nom du terme. Puis, dernier examen de survie, si on veut, c'était un 2 jours. Donc, 2 jours, une nuit, en solo. Et puis là, c'est la première journée, il a fait beau, j'ai eu le temps de ramasser tout mon bois, bosser ma cabane. Puis là, je me couche, je me lève le deuxième matin, puis j'ai en masse de bois pour toffer. J'ai trouvé une poêle à manger. Puis là, je suis comme là, mais... plus rien à faire, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai pris mes lacets de chaussures, puis quelques racines que j'avais pour compenser, puis je me suis brêlé un divan. Non? Alors, avec du sapinage, alors mon professeur, parce que lui, il y avait un point. Lazy boy! Il y avait un point. C'est pas aussi confortable, mettons, mais tu sais, c'est vraiment une petite banquette, là. Fait que lui, il y a un point GPS pour chaque personne, chacun des élèves qui est en examen, puis là, ils viennent chercher à la fin de la deuxième journée, puis ils arrivent, puis je suis assis sur mon divan devant mon feu. Je pense que j'ai jamais vu un professeur rire autant que ça. As-tu fabriqué une TV, quelque chose aussi? J'aurais pu essayer, mais c'est dur de brancher dans un arbre, ça, le problème. Ouais, y a pas d'input là-dedans. Non, il y a tellement eu de temps qu'il a même fait le rond pour la bière dans le dans le fauteuil. Puis il a eu le temps de se brasser de quoi avec des racines. Ah ouais. Wow. Mais ça, c'est impressionnant. Et moi, j'aurais été en panique 2 jours. Moi, j'aurais pu t'élancer lancer de chaussures pour me suicider. Ah, c'est ça. Pas de joke sur le suicide ici, s'il vous plaît. Non. Hey, c'est sûr que t'as l'air d'avoir beaucoup d'expérience en plein air et tout. C'est sûr que t'es déjà arrivé. Ben là, tu viens d'en raconter une bonne anecdote. Mais quelque chose de pas possible. Là, tu viens de dire que t'as fait du feu avec de la glace. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te seraient arrivées que t'aimerais nous partager? Là? Il y a 2 étés. je travaillais pour une petite base de plein air en Outaouais qui s'appelle base de plein air Aérobois. Puis il y a un camp de vacances lié à ça. Puis j'étais moniteur. Donc on part avec des enfants. Mettons, les tout petits, on part un nuit, deux nuits. Puis on peut aller jusqu'à 12 jours avec les ados. Puis même 20-27 jours comme grosse expédition. Puis durant 12 jours que je guidais, j'étais avec un collègue. Et puis, on s'est arrêté sur une île durant un orage en journée, parce que actuellement, on n'est pas sur l'eau quand il y a un éclair. C'est comme un savoir de ne pas se faire zapper. Alors, on arrête, puis là, c'est vraiment un gros orage. Je pense que c'était de l'orage de l'été. Les jeunes sont un peu en panique. Donc, là, protocole, quand tu es pris dans un orage, un, c'est dispersion. On parle pas de se mettre à 100-150 mètres, là, mais rester loin un peu parce que le corps humain peut avoir une chance d'attirer la foudre. Donc, on reste un peu loin. Et ça, je vous avouerai que être un peu dans la panique puis essayer de gérer le groupe, on a un peu manqué à notre tâche parce qu'on s'est pas dispersé. On a monté la tente pour les cacher de la pluie, puis on a mis toutes les vestes de sauvetage par terre pour les isoler du sol au cas où que l'éclair tombe proche. Mais on était quand même, au lieu d'avoir monté deux tentes proches, trois tentes proches, on a monté juste une. Il y avait 12 jeunes dans la tente, une tente à quatre places, donc on était vraiment jam-pack. Et moi et mon collègue, mon co-animateur, co-guide, on était dans le portier de la tente et assis par terre sur des racines. Et puis la foudre a frappé l'arbre juste à côté. Donc un énorme pin qui a éclaté en morceaux. Ah. Et alors là, moi je me souviens m'être réveillé couché sur les cuisses de mon collègue, ça a pris un petit 100 secondes, on s'est vraiment fait zapper solide. Et là mais là t'es-tu mort? Non. Alors là on se regarde, premier réflexe, on sait pas trop ce qu'il faut faire, désipe la tente, on regarde dans la tente, les jeunes sont un, ça sent le brûler dans la tente, les jeunes sont là puis sa photo et Arthur sont un peu stressés. Fait que là, je regarde un de mes jeunes que je savais que lui était vraiment, souvent, t'as des grimpeurs qui sont plus rugged que d'autres, plus rough, plus tough que d'autres. Il me regarde, il part à rire. Fait que tout le monde part à rire. Là, on attend que l'orage passe, on calme, on avance nos affaires. C'est un énorme pin blanc qui avait coûté nous qui était frappé et il a éclaté. Il y a vraiment l'écorce a volé de tout bas, de côté. Ça a cassé un de nos avirons de canot. Et là, en tant que l'orage passe, tout le monde est foudroyé, on appelle le camp, comme OK, parce qu'on a toujours un petit CB pour communiquer, comme on a un petit accident, on s'en vient. Et ce jeune-là, qui est parti arrêter dans la tente, s'est mis à chanter Thunder dans le canot en se rendant au camp ici. Ça a été toute une drôle. Alors là, on arrive au camp, évidemment, frappé par la faute, il faut se faire évaluer à l'hôpital, on s'est évacué, tout le groupe s'en va à l'hôpital, on est avec les jeunes dans le stationnement pour on déconne avec les chaises roulantes, c'est vraiment, vraiment drôle. On arrive, et là, tout le monde s'est fait checker, tout le monde est correct, il n'y a pas eu de problème. Et là, mon collègue, François, appelle ses parents pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ses parents ont les réponses les plus drôles au monde. Il appelle son père qui est en train de jouer au golf. Son père, comme ça, ah ouais, c'est fait zapper, hein? Ben écoute, rappelle-moi dans une heure, pour me dire t'es rendu à combien de kilowattheures. Puis son père accroche. Puis il est comme, c'est le fun, merci. Là, il appelle sa mère, comme, ah ouais, c'est précis dans le noir. Ah! Les gens de famille, il est fou. Pour reconnaître le personnage de François, c'est on voit qu'il retient pas du voisin. Hey, je suis assis à côté de quelqu'un qui s'est fait frapper par la foudre. Oui. C'est pas directement, effectivement. Mais c'est quand même. T'as perdu connaissance, ça? Un petit moment de blackout, si on veut. Ça doit être vraiment impressionnant. Moi, je me souviens d'un éclair qui est tombé pas loin de chez nous. Puis c'est tellement assourdissant comme bruit. Le coup est. On a un peu l'espèce d'impact de blague, un gros blanc, puis un espèce de petit son silent qui revient tranquillement. C'est un peu ça aussi. Hein. Puis je sais pas si t'as déjà fait zapper en mettons de quoi dans une prise, ou en mettant chercher la toast. Ben, mettons, fait x10, c'est à peu près ça qu'on fait. Juste 10, au moins c'est pas 100. Ouais, ouais. C'était pas si pire que ça. Max, c'est pas la faute directe, on veut pas vraiment savoir. Ouais. Wow! J'ai pas envie d'essayer non plus. Oh, je suis trop impressionné. Ouais. Je perds mes mots. Là, on était passé à une période de questions pas trop sérieuses. T'sais, en même temps, est-ce qu'on finit avec quelques petites questions sérieuses? En a-t-il encore une couple? Ben, j'en ai une dernière. J'ai peut-être. Moi aussi, une dernière. Une dernière chaque. Ok, roche-papier. Je sais pas, ben, je me demandais, j'essaie de trouver quelque chose pour cet été. Ah, j'ai la même question, coquin. Ça va être la même? Ben oui, vas-y, j'ai dit. Ben. En fait, je me disais, là, l'été s'en vient, c'est la dernière chronique de UQTR. Et bien, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui se dit, ben, la chronique était le fun, j'ai pas. J'aimerais ça essayer quelque chose de plein air cet été. Okay. Qu'est-ce qu'on fait cet été si on veut essayer du plein air? Est-ce que c'était vers ça que tu t'en allais, Mathieu? Oui, oui. Ça a l'air pas mal plus étagé avec la mienne, fait que oui. dans le fond, ben, la première étape, c'est toujours d'avoir la volonté d'essayer. Le plein air, souvent, les gens pensent que c'est un petit milieu fermé parce que on voit ce monde de plein air, on peut les voir un peu loin par rapport parce qu'ils ont des vêtements différents, ils ont de l'équipement. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter vraiment à ça, puis juste avoir la volonté d'y aller. Si vous êtes un peu plus frileux, il y a beaucoup d'organismes qui offrent des petits séjours hein, de façon autant locale que régionaux. Là, on peut trouver des parcs, plein de choses. Si vous voulez vraiment y aller accompagner, c'est comme ça. Sinon, si vous avez aimé la chronique et des choses qui vous intéressent, aimez les revoir. On a tout mis sur notre site internet. Il y a une rubrique, c'est trucs et astuces. Donc, vous pouvez les revoir là. Et puis, c'est en travail. Je ne sais pas ça va être si on va l'avoir fini pour l'été, mais on a aussi une rubrique suggestion d'activités de plein air sur le site qui va sortir bientôt. On va vraiment vous suggérer des choses. Mais sinon, moi, ce que je vous recommande pour des personnes qui veulent s'initier un peu, c'est vraiment les parcs nationaux du Québec. Allez voir sur le site de la CEPAQ, S-E-P-A-Q. Il y a une bonne dizaine de parcs nationaux qui regroupent pas mal partout au Québec. Donc, peu importe dans quelle région. On en a un beau ici. On a un très beau ici, effectivement. Enfin, la Mauricie, par contre, c'est un parc national. Donc, un parc fédéral, un parc Canada. Mais c'est la même chose. Les deux vont s'entrecouper, puis les deux valent la peine. Il y a autant de choses pour satisfaire le débutant que l'intermédiaire avancé dans ces choses-là. Donc, fiez-vous à ça. Puis les gens qui travaillent là sont très bien formés. Et puis, n'hésitez pas à leur poser des questions. Merveilleux. Mmh. Et si on cherche des informations sur le club plein air d'ici à notre prochaine rencontre à l'automne? Encore une fois, le site internet, c'est pas mal la place pour y aller. On parle du www.uqtrlalettre.ca/uqtair. Toute l'info est là, vous allez avoir de l'info aussi. Vous pouvez nous écrire, on vérifie notre courriel, même durant l'été, puis on consomme de ce jour. Le calendrier d'été, vous aussi, le calendrier d'activité d'automne va sortir très bientôt, qu'on va vous avoir planifié vos congés pour la session d'automne pour nos premières activités. Puis sinon, il y a toujours la page Facebook, on va continuer à la tenir à jour puis à l'actualiser, donc vous pouvez nous poser des questions via cette page aussi. Procurez-vous les beaux t-shirts? On a encore des t-shirts, effectivement, ils vont encore être en vente. Si vous nous croisez, si vous demandez c'est qui les gens qui organisent le QTR, on a une belle photo sur le site internet, vous pouvez aller voir. Mm-hmm. Si vous nous croisez, justement, dans l'école, il n'y a aucun problème, c'est la trésorière qui est là, puis elle est juste à côté de l'école, donc on peut aller les chercher sans problème. Mais de toute façon, c'est toujours des gens qui mangent des noix mélange du randonneur. C'est facile à reconnaître. Dès que vous voyez justement le petit sac mélange du randonneur, c'est effectivement c'est une autre. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui est allergique aux noix. Qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là, lui? Il mange pas. Il mange pas. Jean-Antoine Rioux, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, merci. Bravo! C'est ce qui termine cette édition d'Aucun outil requis. Un grand merci à chacun de nos chroniqueurs. Je vous rappelle que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est le jeudi de 14h à 18h, en rappel les samedis à midi et les dimanches à 10h. Visitez cfou.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. De la part de François-Olivier Marchand, Mathieu Plante et toute l'équipe d'Assemblage requis, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine fois.